Écoute-le. Je voulais te connaître, je voulais te voir. Je voulais te connaître et te parler. Je ne savais pas comment te trouver. Si tu étais là, ensemble, auprès, ensemble, au loin, ensemble. Je voulais te connaître, je te cherchais. Alors qu'ils chantaient gaiement, ils sont entrés dans la forêt sans s'apercevoir qu'elle était de plus en plus dense et de plus en plus sombre. Ce qui se passe, c'est qu'ils s'étaient perdus. Ils n'avaient pas de boussole pour se repérer. Ils ne savaient plus par où aller. Heureusement, ils ont entendu une drôle de musique. Un peu fausse, mais très entraînante. Ils se sont dit: allons par là, il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous dire par où aller. C'était George, le morse à la grosse moustache, qui travaillait sur son piano désaccordé. Quand il les a vus, il s'est arrêté de jouer. Il a pris sa guitare, puis il leur a dit: vous avez l'air bien empêtré, vous savez pas par où aller. Moi le morse, je pourrais vous aider et vous dire par où aller. Et voilà George, le morse, qui se met à danser, qui se met à tourner sur lui-même. Il fait des figures. Le morse, de façon générale, dit rarement ses pensées véritables. Il faut bien le solliciter pour qu'il accepte de parler. George, le morse, se remet à danser et voilà le ours polaire qui l'accompagne à la guitare. Eh bien, puisque vous insistez, je vais en fin de compte vous parler. Allez voir au cours de danse, car on y danse dans le bon sens. Voilà que tous les trois se mettent à jouer à présent. Allez voir au cours de danse, car on danse dans le bon sens, comme sur le pont d'Avignon, des belles dames de la chanson. Mais à la fin, George le morse leur a dit: allez, oust, maintenant fichez-moi la paix. Oh là là, je dois encore travailler mon piano. Et il les a mis à la porte. Alors, les deux amis sont partis à la recherche de l'école de danse. Au loin, une lumière les a attirés. Ils se sont approchés. C'était la fenêtre d'une classe où il y avait un cours de danse. Ils se sont approchés encore. Ils ont regardé par la fenêtre. Il y avait un groupe de petites souris et la professeure de danse. Voilà ce qu'elle disait. Allô, mesdemoiselles, en place. Allô, mesdemoiselles, à la barre. Un et deux, les pointes. Attention. Trois et quatre, les positions. Cinq et six, avec élégance. 7 et 8, la révérence. Mesdemoiselles, vous avez bien travaillé. Je vous demande des efforts et vous me trouvez un peu exigeante. Comme vous avez bien travaillé, je vais vous révéler un secret. La danse, ce n'est pas que pour être belle, ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour s'amuser. La danse, c'est aussi pour dire, avec les bras, les mains, le front, les pieds, avec vos mouvements, vos gestes, c'est aussi pour dire les émotions. Ce que vous ressentez au fond de vous. Ainsi, la danse vous donnera beaucoup de bonheur, j'espère. Hérisson et Nounours Polaire était troublé d'avoir vu ces petites souris danser avec tant de grâce. Voilà qu'ils se sentaient pleins d'énergie. Avaient envie de danser à leur tour. Et ils espéraient revoir les souris. Hérisson, surtout, pensait à l'une d'entre elles. Elle était de haute lignée, on l'avait appelée Souris 7, car c'était la septième souris de la dynastie. Seule dans sa chambre, devant son miroir, voilà ce qu'elle chante pour elle-même.